Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Question 75. De la résurrection des corps. La résurrection des corps est certaine. Tous les hommes ressusciteront. La résurrection future sera tout à la fois naturelle et miraculeuse. 1. Y aura-t-il une résurrection des corps? Job 19, 25, disait, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour je ressusciterai de la terre, revêtu de cette peau, je verrai mon Dieu dans ma chair. » Il parlait en homme inspiré, donc il y aura une résurrection. Nous sommes les membres d'un chef divin qui vit et vivra éternellement en corps et en âme, car le Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Romains 6, 9. Les membres devant être vivifiés par leur chef, tant pour le corps que pour l'âme, nos corps ressusciteront. Et, en effet, la fin dernière de l'homme, celle que tous désirent naturellement, c'est le bonheur. Or, le bonheur parfait ne se trouvant pas dans cette vie, il faut nécessairement admettre la résurrection, car, du moment que dans l'homme l'âme est unie au corps, non comme l'agent à un instrument ou le nautonnier à son navire, mais comme la forme à la matière, il est évident qu'elle ne pourra jouir de tout le bonheur qu'elle désire, tant qu'elle ne sera pas réunie à son corps. Note. Certaines œuvres appartiennent aux deux parties de l'homme, et non pas seulement à son âme. L'homme tout entier, composé d'une âme et d'un corps, devant recevoir la récompense de ses actions, le corps ressuscitera. Fin de la note. 2. Tous les corps ressusciteront-ils? Il est écrit, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'entendront vivront. Jean 5, 25. Et encore, nous ressusciterons tous. 1 Corinthiens 15, 51. De plus, tous les hommes méritent une peine ou une récompense, soit pour leurs propres actions, comme les adultes, soit pour l'action d'autrui, comme les enfants. Donc tous ressusciteront. La raison principale qui nécessite la résurrection, c'est que l'âme, séparée du corps, ne saurait parvenir à la perfection dernière de l'espèce humaine. Comme ce qui tient à la nature d'une espèce doit se trouver dans tous les individus qui lui appartiennent, tous les hommes ressusciteront aussi bien qu'un seul. Note. Le psalmiste. 1, 5, 10 ans, les impies ne ressusciteront pas au jour du jugement, parler de la résurrection glorieuse, qui ne sera pas leur partage. Fin de la note. 3. La résurrection des corps sera-t-elle naturelle? Naturelle dans le sens qu'elle aura pour terme une vie conforme à notre nature, la résurrection des corps sera miraculeuse du côté de son principe, il n'y a dans le monde aucune force capable de la produire. Note. Les phénomènes de la nature, disait saint Grégoire, nous offre l'image de la résurrection. La lumière, qui semble mourir en se dérobant à nous, réparait, par une sorte de résurrection, avec un nouvel éclat. Les arbres, dépouillés de leur verdure, s'en couvrent de nouveau. Les semences, qui meurent par la pourriture, renaissent à une nouvelle vie par la germination. Ce spectacle de la création nous élève aux choses surnaturelles par des raisons persuasives. Il en faut dire autant des exemples cités par l'apôtre. 1 Corinthiens 4, 35. Ils aident à nous persuader la foi à la résurrection. Question 76. De la cause de la résurrection. Que la résurrection du Christ est la cause de la nôtre. Le son de la trompette, fonction des anges. 1. La résurrection du Christ est-elle la cause de la nôtre? La résurrection du Christ a plus de rapport avec notre résurrection corporelle qu'avec la résurrection spirituelle de nos âmes, qui s'accomplit par la justification. Elle est la cause de notre résurrection spirituelle, car saint Paul dit, « Le Christ est ressuscité pour notre justification. » Romains 4, 25. Donc elle est aussi la cause de la résurrection de nos corps. Le Christ est le médiateur de Dieu et des hommes, en raison de sa nature humaine par laquelle il fait parvenir aux hommes les dons divins. Or autant un don de la bonté divine est nécessaire pour nous retirer de la mort spirituelle, autant nous avons besoin de la vertu divine pour sortir de la mort corporelle par la résurrection. En conséquence, puisque le Christ a reçu dans sa nature humaine les prémices de la grâce, et que sa grâce, selon cette parole, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, est la cause de nos grâces, la résurrection a commencé en lui, et sa résurrection est la cause de la nôtre, en tant que Dieu, il en est la cause première, puis, en tant que Dieu et homme sorti du tombeau, il en est tout à la fois la cause prochaine, efficiente et exemplaire. On pourrait même dire que sa résurrection est la cause instrumentale de la nôtre, puisque, dans ses opérations divines, il avait coutume de se servir de son corps comme d'un instrument. Note. La résurrection des corps sera produite par l'intermédiaire du Christ, homme ressuscité. Fin de la note. 2. Le son de la trompette sera-t-il la cause de notre résurrection? Le Seigneur descendra du ciel au son de la trompette, écrit l'apôtre, et ceux qui seront morts dans le Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens 4, 15. Notre Seigneur avait dit auparavant, les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Jean 5, 25. Le Christ annoncera la résurrection générale des corps par un signe sensible. Ce signe sera-t-il le son de sa voix, commandant aux morts de sortir du sépulcre? Quelques-uns le pensent. Ce signe consistera-t-il dans son apparition visible sur le monde, selon cette parole, comme l'éclair part de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. C'est l'opinion de saint Grégoire, qui a dit, « Le son de la trompette n'est autre chose que la manifestation du Fils de Dieu comme juge de l'univers. » Dans le sentiment de ce docteur, l'apparition du Christ est appelée la voix du Seigneur, en tant qu'elle aura la puissance d'un ordre, et la voix du Fils de Dieu se nomme aussi le son de la trompette, par similitude avec ce qui se passait sous l'ancienne loi, où le son de la trompette conviait aux assemblées, excitait au combat et appelait aux fêtes, car les hommes ressuscités viendront à l'assemblée du jugement. Auront part au combat de l'univers contre les insensés, et assisteront à la fête de l'éternelle solennité. 3. Les anges seront-ils employés dans la résurrection? Dans la résurrection, deux choses appartiendront à la transformation des corps, à savoir, la collection et la réunion des cendres pour la reconstruction du corps humain. Dieu, qui se sert des anges dans la direction des choses corporelles, emploiera leur ministère pour ce double office, mais il accomplira lui-même, par un acte immédiat, la réunion de l'âme et du corps, ainsi que la glorification du corps. Note. Les cendres des morts seront recueillies principalement par l'archange saint Michel, prince de l'Église, il sera aidé par les anges et gardiens. Question 77. Du temps et du mode de la résurrection. La résurrection des corps ne doit avoir lieu qu'à la fin du monde. Le temps nous en est caché. S'opéra-t-elle le jour ou la nuit? Sera-t-elle subite ou successive? 1. Convient-il que la résurrection du monde soit différée jusqu'à la fin du monde? Job 14, 12 disait, lorsque l'homme s'est endormi dans la mort, il ne ressuscitera point jusqu'à ce que le ciel soit détruit. Il serait contraire à l'ordre établi dans les choses par la divine providence que la matière des corps inférieurs parvint à l'état d'incorruptibilité, pendant que les corps célestes, auxquels elle est soumise dans ses transformations, accompliront leurs mouvements, puisque, selon l'enseignement de la foi, la résurrection donnera à nos corps une vie immortelle, comme celle du Christ, qui, une fois ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Romains 6, 9. Il est à propos qu'elle soit différée jusqu'à la fin du monde, époque où cessera le mouvement du ciel. Note. C'est par un privilège spécial qu'il a été accordé à quelques-uns de ressusciter avant la fin du monde. Fin de la note. 2. L'époque de la résurrection nous est-elle cachée? Ce jour et cette heure, a dit le Sauveur, personne ne les sait, pas même les anges du ciel. Matthieu 24, 36. Donc l'époque de la résurrection nous est cachée. Combien de générations comptera le dernier âge du monde? Combien de temps s'écoulera jusqu'à la résurrection où cessera le mouvement du ciel? Nul ne saurait le calculer par les lumières de la raison, et on ne le sait pas non plus par la révélation. Dieu s'est réservé ce secret, afin que les hommes se tinssent toujours prêts à paraître devant le souverain juge. Aux apôtres qui l'interrogeaient sur la consommation des choses, notre Seigneur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a réservés en sa puissance. » Actes des Apôtres 1, 7. Saint Augustin fait remarquer très bien que cette parole impose silence aux hommes téméraires qui voudraient se livrer à des supputations pour fixer une époque que le Verbe n'a pas voulu révéler même aux apôtres. 3. La résurrection aura-t-elle lieu pendant la nuit? Nul ne peut savoir avec certitude à quelle heure se fera la résurrection. Plusieurs disent avec assez de probabilité qu'elle aura lieu au crépuscule du matin, le soleil étant à l'orient et la lune à l'occident, car le Christ, dont la résurrection est le type et le modèle de la nôtre, ressuscita à l'aube du jour. 4. La résurrection sera-t-elle instantanée ou successive? Saint Paul dit, nous ressusciterons tous dans un moment, en un clin d'œil. Les choses confiées au ministère des anges ne seront pas instantanées, bien qu'elles soient opérées dans un temps imperceptible, mais celles qui se feront par la vertu divine s'accompliront subitement, lorsque les anges auront terminé leur ministère. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.